Ton père ne sait pas comment s'y prendre. Dans son rôle de père, il est encore niveau apprenti. Ton père n'a pas eu le bon exemple. Laisse-lui un peu de temps pour qu'il arrive à s'en sortir. Grâce à ton côté congolais, t'avanceras dans la vie en étant constamment fier. Yeah, yeah. Le même visage que ta mère. Combien d'hommes j'ai devoir envoyer au cimetière. T'as pas conscience encore de ce que je vais t'avouer. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi de pouvoir te dire qu'ici-bas y'a personne que je n'ai plus aimé. Dans cette vie tu es ma première usine. Tu l'as pas fait exprès, mais tu m'as rendu fier de moi. Je peux chanter pour la terre, mais rien ne vaut les berceuses du soir. Maman, tu as fait plus en une seule année que tout ce que je pourrais faire pour toi. Je prie Dieu de me donner le temps de te voir devenir une femme. Jamais d'apprendre. Tu savais tout ce qu'il a raté dans sa petite vie. Est-ce que dans le fond on se ressemble? Est-ce que toi aussi tu ne laisseras pas les gens t'affaiblir? Tu peux faire confiance à ta mère. C'est moi qui l'ai choisi, mais c'est elle qui sait tout faire. Yeah, yeah. Faut jamais énerver ta mère. Y'a presque rien à dire, mais quel sale caractère. N'oublie jamais que tu peux venir pour me dire quand pour toi ça devient difficile. La douleur je connais aussi. Ne te demande jamais si tu peux réussir. Regarde-moi et dis-toi que tu es ma fille. Tu l'as pas fait exprès, mais tu m'as rendu fier de moi. Je peux chanter pour la terre, mais rien ne vaut les berceuses du soir. Maman, tu as fait plus en une seule année que tout ce que je pourrais faire pour toi. Je prie Dieu de me donner le temps de te voir devenir une femme. La bonne nouvelle, on sera bientôt quatre. C'est encore un cadeau du ciel. Yeah. Un par album, ça me parle. On ne fera qu'augmenter le nombre. Et plus on est, moins j'ai le temps de dormir. Appliquons la force du nombre. Yeah. Tout sera pour vous quand j'irai m'endormir. Tu l'as pas fait exprès. Tu m'as rendu fier de moi. Maman, tu as fait plus en une seule année que tout ce que je pourrais faire pour toi. Prie Dieu de me donner le temps de te voir devenir une femme. À la vie, à la moelle.